Elle a disparu des radars 3 jours entiers. Impossible de la joindre au téléphone, aucune trace chez elle. J'ai fait le circuit habituel, la police, les hôpitaux, la rue de la soif, que dalle. Pas d'abonné au numéro demandé, personne à qui soutirer un conseil. Faut dire que ce truc-là, c'est pas du courant, hein ? Momo, il m'aurait dit l'avoir aperçu à l'infirmerie de la Zonzon, penchée perfusée le toutime. Madame Bron, connasse. Elle attendait quoi pour endosser l'uniforme du détective privé ? Ou bien celui de Madame Irma, qui aurait tout vu dans sa boule, pas savoir quoi. Je suis retourné plusieurs fois dans son immeuble, sonné à sa porte, rien, pas même un murmure de l'autre côté. L'oreille collée au bois, des plombes d'attente, cul sur le paillasson. Maintenant, c'était plus la petite inquiétude du soir, ni le pansement sur un poignet enflé. Fallait réagir, putain de merde, mais comment ? L'idée est venue de M. Maréchal, le dernier à qui j'aurais pensé. Nous nous sommes croisés dans le couloir, il sortait, j'allais entrer. Un simple salut vite fait, c'est lui qui a demandé « Comment va votre ami ?»« Bien, j'espère. »« Tu parles, j'allais pas rater la bouée. » Je lui ai tout déballé au voisin. La disparition depuis maintenant presque une semaine, les appels au secours chez les flics, que c'est pas mon genre, à l'hosto, puis les sonneries, drin, drin, drin, à sa porte, sans résultat, rien, que j'étais dans une angoisse incommensurable. « Vous avez sonné chez les voisins ?» qu'il a demandé. Monsieur Maréchal. Je crois qu'elle ne parle à personne dans son immeuble. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Réfléchissez un peu, on ne se parlerait pas, vous et moi. Ça ne m'empêcherait pas de savoir si vous êtes chez vous. Allez-y, ça ne coûte rien. Il avait raison, le gradé. Je suis retourné là-bas, dardard. J'ai carillonné aux portes, 3 en tout, 2 au rez-de-chaussée, 1 à l'étage. Ceux du rez-de-chaussée ne l'avaient pas vu. Oh là, un bail! Mais le voisin du premier, juste à côté, lui en était sûr. Madame Robert, c'était chez elle, en mode silencieux. Pas de musique, pas d'aspirateur, pas de chaise déplacée, mais la chasse d'eau, qui était située juste derrière le mur de sa salle de bain, elle évacuait la flotte toutes les 4 heures environ. Et ça, personne n'aurait pu le faire à sa place, même en silence. Elle va aux chiottes comme tout le monde, la voisine. Je l'aurais embrassé, le con. Je lui ai demandé une feuille, un stylo. Il n'a pas mégoté. J'ai écrit un truc du genre « catastrophe imminente » que je reviendrai demain matin. Elle devra m'ouvrir si elle n'est pas là. Dans le cas contraire, je peux craindre le pire. Appeler les pompiers, ils défonceront la porte, et tant pis pour la tranquillité. Le billet ne faisait pas dans la dentelle. Mais qu'aurais-je pu écrire d'autre ? Coucou, madame, vous êtes là ? Avant de repartir, j'ai laissé mon numéro de téléphone au voisin. Même en pleine nuit, n'hésitez pas à m'appeler s'il se passe quelque chose d'inquiétant. Il a promis. Le lendemain, je me suis fait violence pour ne pas débarquer à l'aube. D'abord, j'ai sonné chez M. Maréchal pour le remercier de son bon conseil. Il avait eu raison. Mon amie était bien chez elle. Le voisin l'avait entendu, sans doute possible. Tant mieux, tant mieux. Madame Maréchal m'a proposé un café. J'ai dit oui. Et pendant que nous buvions le café à la table basse du salon, ils m'ont raconté la fin tragique de Madame Boudic, une vieille locataire du 4e. Vous ne l'avez pas connue. C'était avant votre arrivée. Les pompiers l'ont trouvée chez elle, assise sur un fauteuil devant la télé, morte depuis 5 jours. C'est le son de la télé qui a trompé tout le monde, et c'est l'odeur qui a donné l'alerte. N'empêche, nous aurions pu intervenir avant. J'ai remercié M. Maréchal de ne pas m'avoir raconté cette histoire hier. De retour à la maison, j'ai préparé du café que j'ai mis dans un thermos, car je me souvenais que chez elle, le jus était coupé depuis belle lurette, et c'était pour ça que le voisin n'entendait ni la musique ni l'aspirateur. J'ai acheté des croissants à la boulange, chaud à te brûler la pogne, et voilà, j'étais devant sa porte. J'ai sonné une seule fois, elle m'a ouvert tout de suite, m'a dit d'entrer, puis l'a retournée s'allonger sur une sorte de transat en osier. Elle était d'une pâleur à donner la frousse, engoncée dans un vieux jean échancré au genou, elle faisait pitié à voir. Ah, vacherie! Pas de courance possible sur le diagnostic. Cette fois, on y était au sous-sol. La dépression chronique est profonde. Elle était là, étalée, première page en gros et noir caractère. Je pensais bien que ça viendrait un jour. C'était fatal. Mais je retardais le moment, sourdingue au cri d'appel, les oreilles plaquées. Puis elle aussi, merde, voulait rien savoir. On freinait des deux fers sur un sol trop glissant. La dérape au bout, le valdingue, tête la première. Elle a bien voulu boire du café, très peu. Refuser les croissants. L'appétit n'était plus au rendez-vous depuis bientôt 2 semaines. Je suis très malade, savez-vous? Je sais. Mais je suis là maintenant. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? La présence de ma fille serait d'une grande aide, n'est-il pas ? C'était certainement la seule chose que je n'aurais pu lui apporter, du moins dans l'immédiat. Elle le comprenait. En dehors de ce que j'étais capable de lui donner, la présence de sa fille, elle ne voulait aucune aide, n'avait besoin de rien, ou juste un grand silence et de la tranquillité. Après beaucoup d'insistance, elle accepta une visite quotidienne et de la bouffe que je préparerais chez moi, des clopes, puis rien d'autre. À part moi, demandai-je, vous ne connaissez personne qui pourrait vous aider à franchir le cap ? Des amis, de la famille ? Si, je connais beaucoup de monde, j'ai une grande famille, mais je ne veux voir personne. Vous, je veux bien. Elle a dit ça en me regardant droit dans les yeux, et j'ai eu l'impression qu'elle allait chialer. Je ne savais trop quoi répondre. J'en suis flatté, dis-je, et vous savez que vous pouvez compter sur moi. Le partage plutôt que la gentillesse n'est-il pas ? Sans cesser de me fixer, elle a dit encore. Je vous ai vu l'autre jour. Ah bon ? Et où ça ? Vous faisiez la manche un après-midi sur le parvis de l'église Saint-Sauveur. Pour que nous puissions manger le soir. C'est autre chose que du partage. La faim justifie les moyens, ai-je répondu, et j'avais très faim ce jour-là. Arrêtez de jouer les vieux idiots qui ne comprennent rien à la vie. J'ai confiance en vous plus que vous ne l'imaginez. J'en suis resté baba, muet comme une carpe. J'ai bien cru que c'était moi qui allais chialer. Sûr, jamais je raconterai les confidences, même sous la torture. Un secret entre elle et moi. Je suis rentré à la maison. J'étais en morceaux, tout ratatiné du palpitant. Les endosses à la courbe, mais plein de courage. Le courage d'un vieil idiot qui a rien pigé à la vie. Longtemps, j'avais ressenti les frissons d'un grand vide intérieur. Ce grand vide qui te fait douter de la poursuite de l'existence, je veux dire, d'avoir encore des raisons de continuer le voyage, sans pour cela franchir le pas. J'ai été trop trouillard du coup de flingue que je ne possédais pas, ou de la corde accrochée à la lanterne. Surtout dans ce monde à la norme, très éloigné du parcours en bitume, un monde dans lequel je vivotais plouc-plouc, studio HLM et bibliothèque municipale, en passant par la visite de Colette et son bifton de 50. Pas abondante la routine, pas large d'horizon. Quand même, je m'accrochais à des trucs en verre, un chouïa d'espérance, comme j'ai dit, l'écriture en héritage pour des gosses qui avaient peu de chance de venir au rancard. Et puis, ces petits riens qui te font paraître moins crasse la couleur du temps. Un bon livre, une musique d'ailleurs, la part de quiche en cadeau de Madame Maréchal. Je suis pas exigeant. Maintenant, c'était autre chose, hein. Il n'était plus question de tergiverser, plus question de pleurniche après les couleurs du temps, non. Maintenant, fallait assurer solide aux côtés du petit moineau qui était en souffrance. Sans le dire, il comptait sur mes zigs pour la rédemption. Allez, camarade, faut donner le meilleur de toi, la crème de la crème, et encore mieux, si possible. Et puis quoi ? À bien y regarder, ce n'était pas moi le sauveur, c'était elle. Un sauvetage venu de très loin, qui devait m'empêcher de sombrer dans le train-train cafard de pinard des journées grises, monocorde, par ses invitations à la tendresse, même dans les crises. Parce que j'allais pas renier les échanges de cafetières électriques, les nuits passées côte à côte, deux pas à vol de moineau, endormis sur la béquille, grappillant quelques miettes au banquet du père Platon. Puis sa délicatesse que je venais d'apprendre. Par hasard, elle m'avait surpris devant l'église en train d'apitoyer le fidèle. Et à la maison, rien, silence, on tourne. Pas courant, ce désir de ménager la dignité de l'autre. Surtout quand t'es en pleine dégringolade et que tu saignes des portugaises. Elle ne voulait voir personne, mais nous avons convenu d'un protocole, comme ils sont conclus entre gens civilisés. Je viendrai chaque jour afin de m'assurer qu'elle était toujours vivante, pour voir aux besoins de première nécessité. Rire si elle avait envie de rire, pleurer si elle avait envie de pleurer. Mais dès qu'elle dirait « Je crois qu'il va faire beau demain, zou », c'était le signal du départ. Pas compliqué le stratagème. J'ai respecté son désir à la lettre, même quand la météo annonçait une tornade. Pendant 2 mois environ, il n'eut d'autres événements que les repas de midi, grignoter en silence et sans appétit, le coup de balai de Serpillière, les courses à la pharmacie, beaucoup de café noir et le beau temps qu'il ferait demain. 2 mois, c'est aussi le temps qu'il m'aura fallu pour trouver de quoi régler toutes les dettes, remettre en service les compteurs, le téléphone. Et ça n'a pas été de la rigolade, tu peux me croire. Le pognon ne tombe pas du ciel. De son côté, il ne dépensait plus rien, t'imagines, cloué sur un transat en osier du matin au soir. Ça laisse guère de temps au shopping. Une fois tout prélevé, il restait un peu de fraîche et moi je faisais gaffe aux dépenses, pas de superflu. N'empêche, à nous deux, on n'arrivait pas à résorber le déficit. Manquait pas Bézef, et ça me foutait en rogne. Alors un soir, j'en suis pas mariole, j'ai reviré délinquant à la petite semaine, comme autrefois. Les gants, le tournevis et la pince, monseigneur, pour débrider la lourde d'un hôtel particulier de la rue Chateaubriand. Peut-être celui où avait crêché Momo du temps de sa splendeur. Ça serait farce. En récompense, un peu de liquide, 12 petites cuillères en vermeil, et surtout des bijoux qui avaient une certaine valeur, refourgués peu après. Fin novembre, les comptes étaient apurés, les siens et les miens. Souvent, je débarquais avec des fleurs, des pâtisseries gourmandes ou bien un CD qu'elle pouvait écouter le soir, seule, car maintenant tout le matos électrique fonctionnait pile poil. Mais toujours il ferait beau demain. J'avais repris mes habitudes à la bibliothèque municipale, le matin et en fin de journée. J'étais toujours aussi désordonné dans mes choix de lecture, passant de l'ancien au moderne, sans transition. Ainsi, j'avais découvert des auteurs, ni anciens ni modernes, des amerlocs, qui me branchaient bien, car contrairement aux autres, ils ne s'embarrassaient jamais longtemps de fioritures inutiles. Les descriptions des paysages étaient réduites à quelques touches de couleurs juxtaposées, la psychologie des personnages tout entière contenue dans les dialogues et les actions. Quand certains t'expliquaient sur 20 pages pourquoi Bébert avait trucidé Simone, les tenants et les aboutissants de la chose, les ricains y disaient en deux phrases que Simone avait trompé Bébert et Vlan, un coup de surin dans la poitrine. Une économie de moyens pour un résultat identique. Je ne dis pas qu'une écriture est meilleure que l'autre, juste qu'elle me convient mieux. Alors je me suis farci tout un rayonnage, et cette plongée vertigineuse dans l'Amérique dépressive des années 30, ça a été du grand bonheur. Madame Fargeau, fidèle au poste, était toujours au petit soin, prête à satisfaire mes moindres demandes. Souvent, je lui parlais de mon petit moineau défait, qu'elle était bien malade en ce moment. Si une nouveau pensée, elle serait là tous les jours. Aujourd'hui, je me demande si elle savait de qui je parlais, et ça n'a aucune importance.